première émission de Connaître Ensemble. Aujourd'hui, on a l'ensemble de notre équipe avec nous. Nous allons parler de nos motivations à venir au bac en pratique sage-femme et nous rencontrons Marlene Becker, celle qui s'occupe au niveau de l'université de la radio, qui va nous parler du bac en tant que tel. Alors, bienvenue. C'est vraiment la toute première émission. C'est quelque chose de... un grand moment pour nous autres. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. C'est une radio étudiante des étudiantes au bac en pratique sage-femme. Au travers de l'automne, on a une belle programmation. On vous en parle aujourd'hui. On va vous parler, comme je disais, de pourquoi est-ce qu'on veut être sage-femme. Mais c'est pas la seule chose qui sera dans notre émission. On va parler de la naissance en général aussi au cours de la session. Alors, j'aimerais vous présenter l'équipe d'abord. Alors, Sophie, étudiante en première année. Annick, aussi étudiante en première année. Bonjour, moi c'est Marlene Becker. Je suis spécialiste en sciences de l'éducation. Je m'occupe des stages au programme. Et moi c'est Sarah, je suis en première année également. Merci à tout le monde et je me présente aussi, Mélina Castonguay, je suis aussi en première année. Il faut expliquer qu'on est toutes en première année, le bac dure 4 ans, mais pour être à la radio, il faut être sur le campus, le bac incluant 3 ans de stage, fait en sorte que, au niveau pratique, c'est difficile d'être à la radio si on n'est pas en première année. Mais ça nous fait plaisir d'être là. Alors, d'abord, je vais vous un peu décrire la programmation, qu'est-ce qui s'en vient cette année pour nous autres. Alors, je ne vous dévoilerai pas tous nos invités, je vous garde plusieurs surprises. Mais on va parler de l'histoire des sages-femmes. Qu'est-ce qui a marqué les dernières années, oui, mais d'où vient cette profession très ancienne, des premières professions du monde. Aussi, on parlera des pratiques d'ici d'ailleurs. On va parler des sages-femmes immigrantes qui sont en train de, en processus de reconnaissance aussi de leur profession ici au Québec. On parlera aussi avec des gens, en étant sur le campus, on va parler avec des gens de podiatrie, chiropraticie, qui eux ont aussi des intérêts en périnatalité. On n'oublie pas le communautaire. Le milieu communautaire est très présent dans la pratique. On a des gens du groupe Maman qui viendront parler à l'émission. Aussi, il y aura durant la session la présentation de certains travaux dans les cours. Dans le fond, ça va être une façon de valoriser ce que les étudiantes font au bac, leur recherche sur qu'est-ce que qu'être une sage-femme aujourd'hui en 2008. Aussi, on n'oublie pas les pères, on leur fait une belle place. On recevra des invités d'honneur et puis qui nous parleront de leur place au travers de leur soutien aux femmes qui sont enceintes, à leur épouse, à leur conjointe. Aussi, cette année, ben en fait, on est à la veille des 10 ans du bac à pratique sage-femme. Donc, ça sera probablement notre dernière émission qui pourra annoncer cet événement très proche. Et puis aussi, étant donné que ce sont des événements assez... qu'on en parlera aussi dans cette émission aujourd'hui, des développements, des maisons de naissance, des projets, les projets des sages-femmes au Québec. On va parler de ça suite... on va parler de la politique en périnatalité, car c'est quelque chose qui touche directement les sages-femmes et bien sûr ceux qui sont très reliés à la naissance aujourd'hui. Donc, voilà ce qui s'annonce pour nous. Des projets chargés, même des invités que vous aurez la joie de connaître cet automne. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va se rajouter. Au contraire, on continue à bonifier cette programmation-là. Mais c'était bien important pour nous d'avoir quelque chose de construit dès le début. Puis, on sait où est-ce qu'on s'en va. Alors, aussi, je voulais vous inviter à nous écrire. On est à une première émission. On veut s'améliorer. On veut trouver aussi d'autres sujets. On veut que ça bouge. On veut qu'il y ait de la vie. On veut parler. On veut recevoir des gens. On s'est fait faire une adresse. Alors, co-naître, je l'explique. Alors, c'est co-naître, sans accent circonflexe, évidemment, à @uqtr.ca. Donc, ça va vraiment nous faire plaisir. C'est les personnes qui sont autour de la table ici qui vous répondront directement. Ça peut être sur le contenu de l'émission, ça peut être des réactions, ça peut aussi être des suggestions. On apprécie les commentaires. Ensuite, pourquoi une émission au bac en pratique sage-femme? Pourquoi une émission? On veut informer, on veut former aussi. On veut toucher des sujets que les sages-femmes, que les étudiantes, que les femmes, que les hommes veulent entendre parler autour de la périnatalité. Puis, en fait, une des raisons principales, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 3 ans où est-ce qu'on est en stage. On est un peu partout au Québec, les étudiantes. Puis, on a envie, nous autres, de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'UQTR, mais qu'est-ce qui se passe aussi à Mont-Joli, à la maison de naissance qui est là-bas, pour nous rassembler aussi pour créer un esprit de groupe malgré le fait qu'on soit s'éloigner géographiquement. Aussi, en fait, on veut que développe de nouvelles idées. C'est une profession qui est très en mouvement, donc on veut laisser place aux nouvelles idées, les apporter, les faire germer des petites fleurs dans la pensée de ceux qui travaillent ici autour de nous aussi, s'ouvrir aux autres, continuer avec les gens qu'on va rencontrer, voir ce qu'il y a devant les sages-femmes, ce qu'il y a comme possibilité pour elles, comme entraide, comme travail d'équipe aussi. Alors, c'est vraiment pour rassembler ces idées-là, en faire germer d'autres, dans le bon moment de la vie, faire bouger le tout. Alors, voilà ce qui nous attend. Je crois que ça va être bien intéressant de partager ça ensemble. Et puis, vous pouvez aussi, à chaque semaine, aller voir sur le site de CIFU. On va décrire quelle émission s'en vient. Donc, ça va être possible pour vous de voir si c'est vraiment l'émission que vous attendez. Vous allez le savoir à l'avance. On sera aussi diffusé par Internet en balado-diffusion pour permettre aux étudiantes, effectivement, à ceux qui veulent nous entendre. On a des étudiantes aussi qui sont à l'étranger. On va leur permettre de nous écouter, bien sûr, et même on les aura peut-être avec nous dans les prochaines semaines. Alors, pour décrire un peu comment chaque émission se déroulera, je continuerai à chaque semaine d'être votre animatrice avec plaisir. Et puis, à chaque semaine, ou à peu près, nous aurons des invités ou des tables rondes avec des étudiantes. Aussi, on finit toujours par notre petit bonbon, la chronique internationale. On en a une aujourd'hui, d'ailleurs, sur le Guatemala. Et cette chronique sera faite aussi par des étudiantes. Ce sera pas nécessairement la même personne. Annick est en charge de coordonner le tout. Puis, dans le fond, ça se retrouvera à chaque semaine. Des chroniques internationales, pourquoi? Pour parler de la sage-femme à l'étranger, parler de la situation, des enjeux autour de la naissance dans d'autres pays que le nôtre, pour justement, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture que ça peut apporter aux sages-femmes qui sont ici, qui est très importante de toujours travailler. À chaque semaine, on reçoit les actualités. En fait, on parle des actualités qu'il y a au Québec, des fois à l'international, mais principalement, les gens du regroupement Sages-femmes Québec nous font part des actualités. Donc, la radio aussi, cette mission de rassembler qu'est-ce qui se passe, parce que des fois, ça peut être une motivation de changement aussi, de savoir, d'être au courant, d'être informé, d'avoir notre radio pour le faire. Alors, on va commencer bientôt. Je vais tout de suite aller avec nos étudiantes de première année qui sont ici aujourd'hui après un long processus, je pourrais dire, pour l'avoir vécu moi-même. être contente. Je me dis après chaque matin, yes, je suis là, je suis avec la gang. On est 20 cette année. Et puis, on est tous très contentes d'être là. Donc, je vais commencer avec Sophie, qui va nous raconter pourquoi est-ce qu'elle est ici à la radio, mais pourquoi est-ce qu'elle est d'abord au bac? Ah, je dirais des fois, c'est difficile de remonter d'où est-ce que ça vient, cette passion-là pour la pratique sage-femme. Je dirais que j'ai été fortement inspirée par la mère de ma meilleure amie au secondaire, qui a semé les petites graines, je dirais. À ce moment-là, j'étais pas nécessairement convaincue ou je savais même pas que la profession était en train de se bâtir avec les premières maisons de naissance dans le début des années 90. Puis, mais c'est resté là, dans ma tête, je dirais, peu à peu. Puis j'avais le goût de travailler en santé. Puis la sage-femme m'est apparue comme une intervenante spéciale qui arrive dans un moment, je dirais, comme un espace cliché dans la vie des gens, des couples, des familles, où on voit la globalité de ce qui se passe dans un moment clé, puis on essaie de voir tous les éléments, de travailler avec ça. Je dirais qu'il est peut-être contraire, plus... Ben, des fois, en opposition avec une spécialisation d'un membre ou de peut-être d'un âge de la vie. Donc, c'est la globalité de la personne qu'on peut aller toucher avec la pratique qui m'attirait beaucoup. Merci, Sophie. Je pourrais te poser une autre question. Pourquoi la radio aussi? Pourquoi est-ce que pour toi, c'est important qu'on parle? Qu'on parle, qu'on fasse parler aussi? Bien, parce que justement, je pense que la pratique est en mouvement, est en construction présentement au Québec. Puis qu'il y a beaucoup d'enjeux importants autour de la naissance dont il faut parler, dont il faut échanger, créer ces espaces de discussion-là autour de la naissance. Mais merci beaucoup. Je vais aller avec Annick. Bonjour. Salut Annick. Salut. Alors, du plus loin que tu te souviennes, est-ce que tu te souviens que quand la première fois t'as fait « Hey, sage-femme, peut-être pour moi », est-ce que tu te souviens pourquoi ça t'a comme « Wow », ça t'a touché? Premièrement, j'ai pas toujours voulu être sage-femme. J'ai passé les dernières années à être auprès des femmes et à apprendre beaucoup d'eux autres, à être pas mal fascinée de comment les femmes ont un pouvoir, des capacités, une force extraordinaire. Et pour moi, la profession sage-femme, ça représentait une possibilité de continuer ce travail-là que j'ai fait en intervention avec les femmes, mais de continuer avec cette confiance-là que j'ai que les femmes sont capables, sont très fortes et que leurs familles font partie de ce processus-là qui est la naissance. J'avais envie de travailler avec les femmes, mais surtout dans une façon qui permet de leur donner beaucoup de choix, beaucoup de pouvoir sur ce qui se passe dans leur famille, sur tous ces changements-là qui s'opèrent. J'avais envie d'être là autour de ça parce que, bon, la naissance, ça me fascine. C'est tellement un moment spécial pour des parents, pour la famille. C'est quelque chose de nouveau qui naît pour tout le monde. C'est un bébé qui naît, mais c'est une famille, c'est une maman, c'est un nouveau papa. Alors, je trouve qu'on a vraiment un privilège comme sage-femme d'accompagner les gens dans tout ça. Puis j'avais envie d'être là. C'est tout un privilège qu'on a d'être là au programme et de pouvoir apprendre de professeurs passionnés avec des étudiantes qui ont tellement envie d'être là puis qui ont travaillé fort pour y arriver aussi. Alors, ça explique un peu rapidement pourquoi je suis là, mais voilà. Puis je vais te poser la même question qu'à Sophie. La radio, spécifiquement, là, t'en as parlé aussi. Bon, on en a parlé ensemble, tu as un peu d'expérience en radio, tu étais un peu proche de ça. Qu'est-ce qui, selon toi, là, va être vraiment les enjeux qu'on va discuter, tiens, cette session? Pour avoir vu la programmation, on va parler de plein de choses fascinantes, c'est certain. Je trouve que la radio, c'est un super beau moyen qu'on a de se tenir ensemble, d'être avec tous les gens qui sont intéressés de près ou de loin par la périnatalité. Puis moi, plus personnellement, autant que je suis fascinée par ce qui se passe ici au Québec, je suis vraiment fascinée par ce qui se passe à l'extérieur. Alors, j'avais envie de prendre une occasion pour donner la parole à des gens qui en connaissent plus que moi ou qui ont des choses intéressantes à nous communiquer sur ce qui se passe à l'étranger. Donc, je suis là pour ça. Je suis là pour donner un peu la parole à tous ces gens-là, les filles qui sont en stage, des gens qui pratiquent le métier ailleurs, qui veulent nous parler de comment ça se passe pour eux. Donc, c'est pour ça que je fais la radio. Ben merci beaucoup. De rien. On enchaîne avec Sarah, qui nous parlera... Sarah? Oui. Alors, je vais te poser la même question. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois assise avec nous? Je dirais que mon cheminement, il est assez... j'ai pas eu une épreuve précise qui a dit « OK, c'est maintenant, ça y est, je veux être sage-femme ». Je dirais que c'est plutôt un ensemble de circonstances. Au début de mes études secondaires, je préférais plutôt m'en aller plus vers un domaine de la santé, mais peut-être un petit peu plus scientifique comme la médecine. Un de mes rêves, ça a toujours voulu être faire partie de l'organisme Médecins sans frontières. Mais plus que j'avançais au cégep, puis je me suis mis à regarder d'autres options. Je ne suis pas du genre à focaliser seulement sur une possibilité. Puis honnêtement, la façon que j'ai découvert la pratique sage-femme, c'est en regardant un livre de Job Boom, qui ça disait « Les 100 métiers de la santé ». Puis c'est la première fois que j'ai vu le mot « pratique sage-femme ». À partir de ce moment-là, j'ai vraiment lu l'article au complet, puis ça m'a comme allumé une grosse lumière. Je me suis mis à faire des recherches un peu partout. J'ai parlé avec des gens, j'ai lu des livres, j'ai été visiter la maison de naissance dans ma région. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment une possibilité très, très intéressante pour moi. Plus que j'en parlais avec les autres, plus que ça m'a amené à réfléchir sur moi-même, puis ça m'a amené à dire... ça y est, c'est ça que je veux faire. Puis ma décision n'a pas été trop longue à prendre, ce qui fait que je suis arrivée quand même assez rapidement ici. Là. OK. Puis qu'est-ce qui fait en sorte aussi que tu sois à la radio avec nous, que tu aies le goût d'échanger avec nous? Bien, la radio, je trouve que c'est vraiment un très beau médium du fait qu'on peut rejoindre vraiment une grande variété de personnes. Le fait aussi que ce soit en balado diffusion, ça permet de rejoindre tout le monde au Québec ou n'importe où dans le monde. Ça a aussi quelque chose d'important pour moi, le fait de pouvoir parler pas seulement aux étudiantes sage-femmes, mais aussi de parler au reste de la population. Je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés à défaire, de mentalités à changer. Puis je me dis que plus qu'il y a de personnes qui vont pouvoir être informées par ce qu'on peut leur apporter, ben les mentalités risquent d'évoluer dans ce temps-là. Bravo! Mais merci, Sarah! Alors, on va aller en musique. Je vous présente une pièce qui, en fait, est composée et interprétée par Grégoire Brière avec la participation de Julie Rousseau, qui a gagné, elle a gagné un prix du public au Festival de la Petite-Vallée. Alors, c'est un groupe qui se retrouve sur la compilation Émergence 2. Alors, je vous précise que tous les groupes qu'on entendra à la radio ici seront des groupes émergents, des groupes qu'on va aller chercher, qui sont en train de percer dans le milieu artistique aussi, et puis francophones. Alors, on va écouter ça immédiatement, mais juste pour vous donner le ton, c'est une pièce qui est avec une thématique engagée, puis ensoleillée aussi, sur une parole de Lao Tzu. Alors, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. This is the remix! Yeah. C'est 89.1, la radio autrement. Bonjour, vous êtes de retour à l'émission Connaître ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à co-naître@uqtr.ca. Ça va nous faire plaisir d'avoir vos commentaires. Alors, on enchaîne tout de suite avec Marlene Becker, qui est spécialiste en sciences de l'éducation à l'UQTR et qui s'occupe de la radio aussi dans ses tâches nombreuses. Alors, l'idée de départ, c'est Sifu qui lance une invitation aux différents départements de l'UQTR. Est-ce que vous êtes intéressé à faire un projet pour venir parler de vos disciplines? Alors, nous, on a dit oui au programme. Moi, je suis responsable de ce dossier-là en termes d'aide à la structure, contact avec le milieu interne, contact avec l'équipe du programme. Notre objectif était vraiment que ça soit une radio pour et par les étudiants. Ça, c'est important. Mais soutenue par nous au programme, toute l'équipe. Et je mentionnais que Erika Goupy, une étudiante de deuxième année qui est présentement dans le bois, est en train de travailler sur un beau projet. Alors, Erika a travaillé avec moi tout l'été pour la programmation. Cette programmation que tu nous as présentée tantôt, elle vient vraiment d'idées des étudiantes. Puis, on a un petit peu vu, bon, qu'est-ce qui est important pour nous dans cette radio-là? Puis, tu as bien mentionné, il y a le volet information, puis vraiment le volet aussi formation. Alors, nous voilà avec toi rassemblés pour cette émission-là. Bien, merci beaucoup. Puis je vous rappelle qu'on est très heureux aujourd'hui de commencer ça, l'expérience radio au bac avec vous. Alors, je vais vous poser une autre question, étant donné que vous connaissez bien le programme en pratique sage-femme. Sommairement, là, pour quelqu'un qui connaîtrait moins le bac de proche, à quoi ça ressemble ces 4 années-là? OK. Alors, si on dit 4 ans, on dit actuellement 130 crédits. Première année, les étudiantes sont vraiment sur le campus de l'université avec 6 cours à la première session, 6 cours à la deuxième session. Ces cours sont surtout des cours de base, donc de sciences. Hein? On va parler de pharmaco, hémato, anatomie et quelques cours aussi psychosociales. L'année 2, 3, 4, c'est vraiment une année où l'étudiante se retrouve dans le milieu de stage, dans les maisons de naissance, avec les sages-femmes. Et là, on va parler de préceptorat. Donc, votre apprentissage se fait vraiment dans le contexte réel des suivis prénatal, accouchement, postnatal, suivi avec les mamans, les papas, les bébés. Donc, on est vraiment dans le feu de l'action, dans les stages. Ce qui est intéressant pour le programme et ce qui fait aussi sa force, je crois, c'est tout le jumelage. Donc, tu sais, autrefois, quand les femmes apprenaient ensemble avec d'autres sages-femmes d'expérience, on parlait de compagnonnage. Alors, c'est être avec une sage-femme d'expérience. Elle devient un modèle. Elle vous transmet hein, son savoir-faire, son savoir-être, ses connaissances aussi, parce qu'il y a tout un volet scientifique qui est relié. Donc, vous allez entendre parler de données probantes à travers votre première année. Et à travers les stages, vous allez mettre en application ces données probantes-là, toujours en les liant dans un contexte de comment on fait, mais comment on est, hein, EST, comment on développe cette relation-là avec les femmes, avec les hommes, avec les familles. Ce qui est particulier, c'est quand vous êtes en stage, les stages sont vraiment jumelés à des cours de maïeutique. Alors, le cours de maïeutique, c'est un cours théorique qui allie la pratique et la théorie de votre stage. Ces cours sont donnés par des sages-femmes d'expérience. Donc, vous avez stage 1, 2, 3, 4 et internat. Du stage 1 à 4, vous avez des cours de maïeutique. Donc, vraiment être capable de faire le lien, qu'est-ce que je vois dans ma pratique, puis être capable de réfléchir en groupe. Puis, pourquoi on dit maïeutique? C'est un apprentissage par situation. Donc, le professeur sage-femme vous donne des situations, vous avez à chercher dans vos livres, vous avez des articles de référence, vous devez réfléchir à cette situation-là, comment est-ce qu'on va l'aborder. Donc, vous revenez en groupe. Les cours se donnent, et ça c'est particulier, via un logiciel qu'on appelle le VIA. Donc, les cours se donnent par Internet. Chaque fille est dans sa région, dans sa maison de naissance. Les cours sont à chaque semaine, 3 heures de temps avec le professeur. C'est quand je vous parle des stages comme ça, c'est aussi dire que l'étudiante a à se promener au travers le Québec. On a 10 maisons de naissance actuellement qui accueillent des étudiantes sages-femmes. Donc, le programme, il est bâti vraiment avec un apprentissage graduel. Hein, on commence par petits pas. Plus on apprend, plus nos connaissances vont s'élargir. Puis, il ne faut pas oublier que la pratique sage-femme, c'est une pratique du normal de la grossesse, l'accouchement et le postnatal. Mais il y a une partie aussi de cette formation-là qui est vraiment d'apprendre à déceler la pathologie, être capable de référer et être capable d'intervenir en situation d'urgence. Bien, c'est une très belle description du programme. Je rappelle que le programme est exclusif à l'Université du Québec à Trois-Rivières et qu'il est assez particulier en lui-même, tout court aussi. Tu avais mentionné l'équipe de sage-femme. Qui est l'équipe à l'UQTR, à l'extérieur? OK. Qui est l'équipe? Alors, vous avez 4 professeurs sage-femmes. Alors, je vais commencer par notre toute dernière, Emmanuelle Hébert, qui s'est jointe à nous en septembre. Emmanuelle est une diplômée de l'UQTR, de la cohorte 2003. Donc, ça, c'est intéressant. Elle a le vécu comme étudiante ici, puis elle a le vécu dans une maison de naissance. Elle était à Côte-des-Neiges. Maintenant, elle se joint à nous avec forte de cette expérience, je te dirais. Il y a Raymonde Gagnon, qui est avec nous depuis 2 ans. Raymonde a une belle expérience. Elle a été la présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec de 1999 à, si ma mémoire est bonne, 2006. Raymonde connaît donc bien tout un volet de cette pratique. Elle a une belle perception et ce qui permet aux étudiants aussi vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'est la pratique. Et nous avons Caroline Paquette qui est avec nous depuis 5 ans au programme. C'est notre Caroline nous revient d'un congé de maternité là, en septembre. Et on a José Lafrance qui est avec nous au programme depuis 6 ans. Et José a eu aussi, dans les années antérieures, la tâche de directrice au programme. Alors ça, c'est l'équipe des 4 professeurs sages-femmes qui sont sur place. Et on a les chargés de cours qui sont des sages-femmes ou des experts dans leur discipline qui vont enseigner l'un ou l'autre des cours. Alors, pour agrémenter cette équipe, il y a 2 professionnels qu'on appelle des spécialistes en sciences de l'éducation. Alors, il y a Lynn Mayotte qui est avec nous et il y a moi. Et là, on a un ange. Notre petit ange, il s'appelle France. France, c'est notre secrétaire, notre commis aux affaires académiques, qui voit l'ensemble des petites demandes qu'on a, qui fait circuler les papiers, qui répond à toutes vos questions. Et quand on se pose des questions sur c'est quoi le programme, puis qu'on est nouveau, puis on veut apprendre, mais c'est France qui est un peu la première porte d'entrée. Le programme Sage-Femme, il fait partie du département de chimie-biologie et notre directrice de département est Hélène-Marie Thérien. Donc, ça fait une belle équipe. Oui, une très belle équipe, en effet. Alors, je pourrais poser aussi la question, Marlene, à part faire la radio, qu'est-ce que spécifiquement toi tu fais à l'UQTR? Quelles sont un peu plus en détail tes responsabilités pour le programme? OK. Alors moi, on me connaît pour les stages. Alors, ma tâche principale est vraiment d'organiser, de planifier, de mettre en place les stages des étudiantes dans les milieux qui sont les maisons de naissance. Parce que les stages, je vous disais, les stages 1 à internat se passent à l'intérieur des maisons de naissance avec 15 semaines de stage. Mon rôle est donc de jumeler la préceptrice avec l'étudiante, d'agencer là, pour qu'on ait une belle fluidité, je vous dirais, dans les stages. C'est aussi moi que les étudiantes viennent voir quand, je les envoie à Montréal, la famille est à Trois-Rivières, qu'est-ce que moi je vais faire là-dedans, comment je vais m'organiser? Alors, il y a cet espace-là aussi très important pour nous, où les étudiants peuvent venir nous parler de ce qu'ils vivent dans ce processus, dans cette grille horaire-là qui est le bac en pratique sage-femme, pour qu'on puisse aussi, et ça c'est un de mes volets, de soutenir les étudiantes à travers leur cheminement. De formation, je suis psychologue, spécialisée en périnatalité. Donc, tout ce qui touche famille, soutien. Wow! Bien, ça nous rappelle que étudier en pratique sage-femme, c'est tout un défi, comme on parlait avec les stages. On doit en faire dans 2 maisons de naissance différentes et sont pas nécessairement dans la ville où est-ce que notre famille habite. Donc, puis je rappellerai notre expérience qu'en ce moment au bac, il y a plusieurs étudiantes qui sont mères de famille. Donc, c'est aussi un retour aux études pour plusieurs d'entre elles et un grand défi qu'elles entreprennent. Alors, on va enchaîner tout de suite avec notre. Mais merci, Marlene, d'avoir été avec nous là-dessus. On va enchaîner avec Annick, qui va nous présenter aujourd'hui de vive voix notre chronique internationale. Annick, qui en connaît sur le Guatemala et qui va en parler avec nous. On est très heureuse qu'elle le fasse pour nous. Merci. Ben, rebonjour. On va essayer de se transporter de la belle réalité de l'UQTR et du bac ici pour passer au Guatemala. Il y a tellement de belles choses au Guatemala qui peuvent nous laisser le souffle coupé, je pense, à son histoire encore assez douloureuse et récente, à sa nature incroyable avec les volcans, la jungle, les plages, la culture qui est tellement vivante, traditionnelle et qu'on voit partout avec des belles femmes, souvent avec un beau petit bébé dans le dos. Mais il y a aussi une autre réalité qui coupe vraiment le souffle au Guatemala, puis c'est un petit peu moins joli. Je vais vous parler de la grossesse aujourd'hui et de l'accouchement de la population qui est majoritaire au Guatemala, qui sont les Mayas. Donc, je suis allée chercher quelques chiffres. La mortalité maternelle présentement chez les Mayas, c'est de 446 pour 100 000 naissances. Pour comparer, pour vous donner une petite idée, c'est un petit peu plus que le taux qu'on avait ici dans les années 30 et c'est 150 fois plus élevé que ce qu'on a ici présentement. Ce qui explique le tiers de ces mortalités maternelles-là, c'est que les femmes souvent meurent suite à un avortement parce que l'avortement au Guatemala est toujours illégal, ce qui nous donne un petit peu matière à réflexion sur les projets de loi qui se préparent parfois ici. Pour ce qui est de la mortalité infantile, il y a présentement le taux au Guatemala, c'est 51 pour 1000, ce qui est aussi assez dramatique quand on pense que c'est 10 fois ce qu'on a actuellement au Québec. Plusieurs explications pour ça, entre autres la pauvreté. Il y a 40% de la population de la indigène qui vit présentement dans la pauvreté extrême. Et la majorité des gens restants, donc à peu près 50-quelques pourcents, ont la chance d'être seulement pauvres. Donc, voilà. Les gens sont les Mayas sont très attachés à leur tradition, sortent présentement d'une guerre civile qui a porté beaucoup là-dessus. Et c'est impossible présentement de vivre l'accouchement selon les rites mayas à l'hôpital. Pour les Mayas, malgré les victoires qu'ils ont gagnées après la guerre civile, c'est aussi difficile d'être servi avec respect à l'hôpital ou dans sa langue. Donc, on oublie ça pour les rituels qui sont très attachés à leur culture, comme l'utilisation de certaines plantes médicinales, la sodoba, qui est un genre de massage fait par le... dont je pourrais pas vous décrire parce que le secret est gardé par les sages-femmes de là-bas. Donc, on masse les bras des femmes avec des huiles spéciales. Ou encore l'utilisation du temazcal, qui est un sauna maya traditionnel qui est beaucoup utilisé dans le cadre de l'accouchement. Donc, chaque peuple, il n'y a pas juste un peuple maya au Guatemala, il y en a plusieurs. Et chacun a ses rituels, comme par exemple chez les Tutuil, le placenta qui nourrit l'enfant est vraiment relié à son destin. Donc, selon son nahual, qui est son animal, le placenta peut être enterré pour l'enfant qui est destiné à devenir agriculteur ou mis dans l'eau pour celui qui va être pêcheur, par exemple. À l'hôpital, c'est pas possible. Et même les sages-femmes, qu'elles soient indigènes ou étrangères, sont pas bienvenues dans les hôpitaux, pas plus que la famille avec la femme. Donc, au final, 60 à 70 % des femmes vivent leur accouchement avec une sage-femme qui s'appelle comadrona en espagnol. Donc, c'est aussi plus de 90 % dans les zones rurales. Comme la pratique est encore un peu cachée, que les sages-femmes qui font partie de leur communauté n'ont pas vraiment accès à la formation ni à du matériel, les risques sont super augmentés. Pourtant, les sages-femmes sont probablement les plus étudiées en tant que membre de la communauté pour aider l'enfant à naître, pas juste physiquement, mais en tant que membre de son peuple. Il y a quelques organisations qui travaillent à aider les sages-femmes à faire leur place et à leur enseigner des méthodes sécuritaires qui respectent leurs traditions pour les aider à être une alternative respectueuse et sécuritaire plus intégrée à ce qui est encouragé par l'État. S'il y en a qui seraient intéressés à aller voir ça, je vous en parle rapidement. Vous pouvez taper Midwives for Midwives sur Google ou d'autres, un autre moteur de recherche. Donc, je termine là-dessus. En Tutuil, accoucher, ça se dit donner la lumière aussi. On leur souhaite qu'elles puissent continuer à avoir la possibilité d'offrir aux jeunes Mayans un départ dans leur communauté qui veulent vraiment dire quelque chose pour eux et dans leur communauté. La semaine prochaine, on va avoir la chance de faire la chronique internationale avec une étudiante sage-femme qui est présentement en Suisse. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai super hâte de l'entendre. Alors, je repasse la parole à Mélina. Mais merci beaucoup, Annick. C'était vraiment intéressant. Puis ça permet d'en apprendre. Ça sera... comme ça, chaque semaine, des fois aussi, ça sera préenregistré. Ça dépendra des semaines selon les invités qu'on a ou les sujets. Ça nous permettra d'en apprendre beaucoup sur l'international. Alors, j'enseigne les dernières minutes qui restent. On va parler d'actualité. D'abord, tout proche de nous, actualité au bac en pratique sage-femme. Le PAC en pratique sage-femme n'a pas encore d'association étudiante, mais ça s'en vient. Alors, on est plusieurs à vouloir se rassembler. Je vais vous donner tout de suite le courriel de celle à contacter. Il y a une on peut l'appeler coordonnatrice, mais en fait, c'est une étudiante qui va simplement centraliser les informations par rapport à ça, mais on a vraiment le désir de faire une association étudiante qui fonctionne à plusieurs, une équipe qui se tient, qui se rencontre à chaque une ou deux semaines pour discuter de nos enjeux, parce qu'on en a. Alors, tout de suite, c'est Annick Sainte-Marie qui va s'occuper de centraliser ces informations-là. Annick, A-N-I-K, pas de C, point S-T-E-Marie à commercial uqtr.ca, son adresse personnelle de l'UQTR. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire à la radio, ça sera aussi transmis à Annick. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de mouvements là-dessus, ça, il y a des idées qui sortent, puis dans les prochaines semaines, on pourra vous en parler plus en détail quand on en aura aussi formulé. Je vous transmets aussi les actualités qu'on a reçues de Céline Lemay, qui est la présidente du regroupement des sages-femmes du Québec. Alors, elle nous parle du projet, de la politique en périnatalité, car l'été dernier, M. Philippe Couillard a apporté ce sujet sur la table, et on en est d'ailleurs très heureuse, très contente. Alors, c'est Mme Isabelle Côté du ministère des services et de santé et des services sociaux, de la santé et des services sociaux, qui a ce projet-là, qui est responsable de sa mise en œuvre. Alors, c'est une politique qui est très intéressante, dont on est vraiment contente. Elle réaffirme des éléments qui étaient énoncés en 1993 dans une autre politique. Alors, on parle de la grossesse, de l'accouchement, que l'allaitement aussi est un processus, ce sont des processus physiologiques naturels. Alors, on considère aussi dans cette politique que la parentalité constitue une réalité multidimensionnelle, que les parents sont compétents pour cette période de la vie, d'en prendre charge. On parle aussi que chaque naissance fait appel à la solidarité et à la responsabilité collective. Donc, il y a la spécialisation, mais on cherche aussi à créer un climat communautaire, solidaire, à travers de ça. Alors, on reconnaît l'importance des femmes pour choisir elles-mêmes la place où est-ce qu'elles se sentent le mieux pour donner naissance à leur enfant. Alors, il est prévu que dans 10 ans, il y aura 20 maisons de naissance au Québec. Alors, on est très heureuse de cette nouvelle, puis on va continuer de suivre les développements à ce niveau-là, au niveau national. Alors, c'est pas mal tout pour notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Ça vous donne le profil de l'émission. On parle de l'actualité, on parle de l'international. On reçoit des invités de tous horizons à chaque semaine. Et puis, vous allez m'entendre aussi. Je vais être très contente de vous accueillir. Je vous invite à revenir à notre prochaine émission. On parlera de l'historique des sages-femmes avec André Rivard, qui est historienne. Alors, ça va être, selon moi, extraordinaire. On a aussi comme invité Caroline Paquet, que Marlène a présenté, qui est professeure à l'UQTR au bac et aussi sage-femme. Alors, voilà, c'est tout. On vous laisse sur notre belle musique de fin.